Usage de l'indicatif présent, part 1, example sentences. Je suis fonctionnaire. Je comprends le message. J'aime les vieilles maisons. Je ne prends pas ma voiture d'habitude. J'ai une réunion demain. Part 2, example sentences. Je travaille depuis 3 ans. Je travaille depuis le mois de septembre. Oui, j'écoute. Je rédige mon rapport. Part 3, example sentence. Louis, il est en train de parler au patron.